France Inter, franceinter.com. La Somalie ne quitte plus guère la une des journaux. Quand il ne s'agit pas d'un affrontement qui, une fois de plus, ensanglante les rues de Mogadiscio, on évoque une nouvelle tentative de piratage en mer Rouge, ou encore une prise d'otage, la dernière étant celle de deux agents français des services de renseignement. Un chaos qui dure depuis 1991, c'est-à-dire depuis la fin de l'existence de l'État somalien. Un régime qui n'aura donc vécu qu'une trentaine d'années, car avant l'indépendance intervenue en 1960, il n'existait pas d'État, mais une juxtaposition de clans divisés eux-mêmes en sous-clans et en lignées. Une démocratie pastorale ou une hyper-démocratie anarchique, comme l'a décrit l'un des meilleurs connaisseurs de la région, Gérard Prunier. Et pour lui, il était donc vain d'essayer d'imposer aux nomades somalis les structures d'un État conçu à l'image de nos démocraties occidentales. L'ONU et les États-Unis s'y sont cassés les dents. Cependant, malgré ces échecs retentissants, la communauté internationale continue à s'intéresser de très près à la Somalie, ou plutôt aux trois Somalies, puisque deux provinces à l'extrême nord ont fait sécession, le Somaliland, ancienne colonie britannique, et le Puntland, l'ancien pays de Punt des Égyptiens, un territoire accroché à la corne de l'Afrique, qui est aujourd'hui la côte des pirates. Et justement, c'est d'abord la question du piratage qui préoccupe au premier chef les grandes puissances. La mer Rouge est en effet l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. 20 000 bâtiments y naviguent chaque année et cette insécurité grandissante est une menace pour le commerce international. Mais il y a ensuite le terrorisme. Selon certains experts occidentaux, la Somalie serait devenue un nouveau sanctuaire pour Al-Qaïda. Vrai ? Ou pur fantasme? C'est l'une des questions auxquelles M. X se propose de répondre après avoir esquissé la semaine passée l'histoire de la Somalie jusqu'au début des années 90. عايكو يا هي انتو كور حق نور لي يا هي حرمة دليتش عايكو يا هي Depuis le fiasco de l'opération Restaurope, la mort de 24 casques bleus, puis celle de 18 GIs en 1993, les Occidentaux y regardent à deux fois avant de se mêler directement des affaires somaliennes. Oh, ce qui ne nous empêche pas, nous le verrons, d'intervenir indirectement. Mais c'est vrai, depuis la mi-95 et l'évacuation des derniers casques bleus, le pays est abandonné à lui-même. Il faut quand même nuancer Restore Hope, là, restaurer l'espoir. C'est traduite par un échec retentissant sur le plan militaire, mais l'opération a quand même permis de sauver des centaines de milliers de Somaliens menacés par la famine. Vous avez raison. Même si l'aide alimentaire considérable apportée aux Somaliens a souvent été détournée. En tout cas, il n'empêche que les forces internationales, en se retirant, ont livré la Somalie aux seigneurs de la guerre et à leurs milices armées. C'est-à-dire aux clans. Et c'est l'anarchie qui a prévalu pendant cette deuxième moitié des années 90. Et vous m'avez expliqué, dans notre dernier entretien, que ces clans se sont toujours traditionnellement combattus. Certes, mais autrefois, ils ne disposaient pas de mitrailleuses ou de kalachnikovs. Ah oui, c'est vrai, ça. Et même d'armes lourdes. La Somalie est une sorte de paradis pour les marchands d'armes. Il existe dans les ruines de Mogadiscio un véritable marché aux armes où l'on trouve tout ce qu'on veut. Mais je referme cet incident. Ces années de chaos ont curieusement permis l'émergence de nouvelles structures, ce qu'on a appelé les tribunaux islamiques. Une expression qui n'est guère rassurante. Hein. Qui fait même peur en Occident, mais la réalité est bien différente. Je vais tenter de vous expliquer. Depuis 1991, il n'y a donc plus d'État somalien. Par conséquent, le droit ne peut s'y appliquer. Or, dans tout ce qui régit les rapports entre les hommes, il faut un minimum de règles. Je pense en particulier au commerce. Ajoutez à cela la lassitude d'une population meurtrie par cette guerre civile incessante et vous avez la clé de la création de ces fameux tribunaux islamiques. Le besoin de rétablir un peu d'ordre dans ce pays livré au chaos. Exactement. Oui. Et ce sont d'abord les commerçants et les hommes d'affaires qui ont poussé à la formation de ces tribunaux islamiques. Parce qu'on ne peut pas conclure de contrat si personne ne peut faire respecter la signature de l'une ou l'autre partie. Ouais. Je veux bien, moi. Encore faut-il reconnaître la compétence de l'arbitre. Et c'est là l'originalité de ces tribunaux islamiques qui commencent à apparaître en Somalie dans la deuxième moitié des années 90. Pour les magistrats de ces institutions qui ont poussé comme des champignons, l'arbitre, comme vous disiez, c'est Allah. Oh, je dois expliquer là. Les contrats rédigés en accord avec les lois islamiques sont en quelque sorte signés sous l'œil de Dieu. Ne pas les respecter, c'est courir le risque de fâcher Allah en personne, vous comprenez ? Oui. Et la menace du courroux divin suffit à persuader les contractants d'honorer leur signature ? Il faut croire que oui, car beaucoup de Somaliens étaient excédés par la loi du plus fort qui sévissait dans le pays. Mais le système clanique pouvait-il s'accommoder de la création de ces tribunaux islamiques ? C'était bien sûr un obstacle. D'autant qu'au moins au début, ces tribunaux islamiques ne disposaient pas de moyens de coercition pour faire respecter leurs arrêts. Parce que la crainte d'Allah ne suffisait pas toujours. Pas toujours, non. Surtout quand les seigneurs de la guerre s'en mêlaient. Alors par conséquent, les tribunaux islamiques étaient presque naturellement opposés aux clans. C'est juste. Mais ces magistrats qui jugeaient au nom de la religion pouvaient dire à juste titre que pour la loi coranique, la charia. Ils pouvaient donc dire que la charia ne reconnaissait pas l'existence des clans et cette chape que ces structures traditionnelles faisaient peser sur leurs membres. Pour les tribunaux islamiques, la seule fidélité respectable, c'était celle que tout bon musulman doit à Allah. Alors j'imagine que c'est une sorte de bras de fer là, qui a été engagé entre les tribunaux islamiques et les seigneurs de la guerre. En effet. Et contre toute attente, les chefs de clan ont dû s'incliner. Et reconnaître l'autorité de ces tribunaux islamiques ? Oui, mais je dois ajouter, et vous comprendrez mieux, que ces tribunaux se sont aussi rapprochés les uns des autres et ont même, en 2002, scellé une union. Ce qui a accru donc leur force et leur pouvoir. Pour autant, ont-ils réussi à rétablir un semblant d'ordre ? Eh bien oui. Et ils sont même arrivés à marginaliser ces tout-puissants seigneurs de la guerre. Ils ont par exemple inspiré une telle confiance que certains commerçants ou hommes d'affaires ont pu se soustraire aux rackets dont ils étaient systématiquement les victimes. De la part des chefs de clan. Oui. Ouais. Alors au fond, si je vous entends bien, ces tribunaux islamiques ont plutôt joué un rôle positif. Il ne faut pas le nier. même si, bien entendu, on a essayé de les caricaturer, de les criminaliser. Mais c'est un point sur lequel je reviendrai. Auparavant, il faut bien admettre qu'après une première période où incontestablement ces tribunaux islamiques ont contribué à pacifier une société déchirée et miséreuse, les choses se sont peu à peu gâtées. Alors, pour quelle raison ? À cause de la religion et de la loi coranique. Les tribunaux islamiques ne se sont plus contentés de prêcher le droit. Ils ont progressivement entrepris d'imposer la charia à la population somalienne. Au moins dans les zones qu'ils contrôlaient et où ils faisaient la loi. Et ça s'est mal passé. Oui, parce que dans chaque Somalie, il y a un anarchiste qui sommeille. Toujours la tradition du nomadisme et du sentiment d'indépendance. Alors autant les Somalis sont de bons musulmans, autant ils refusent qu'on leur impose une loi coranique qu'ils n'ont jamais pratiquée strictement. Surtout quand les tribunaux islamiques ont, par exemple, prohibé les spectacles, ou encore plus grave, essayé d'interdire la consommation de khat. Une drogue douce, traditionnellement mâchée par toutes les populations de la Corne de l'Afrique. Hein. Et interdire le khat, c'est comme vouloir priver les Français de vin. Bon voilà, je plaisante à peine. Car outre le fait que la consommation de cette herbe qui engourdit plus qu'elle n'euphorise est pratiquement culturelle pour les Somalis, son commerce fait vivre un grand nombre de gens. Alors, cette interdiction risquait donc de plonger tout cela dans la misère ? Et d'un seul coup, ces tribunaux islamiques qui avaient apporté un semblant de paix ont perdu la faveur de la population. Ce retournement est d'autant plus sensible que ces cours de justice s'étaient enfin dotées de moyens répressifs, grâce à l'argent des commerçants. Des moyens répressifs, une milice ? Exactement. Sont ainsi traqués tous ceux ou toutes celles qui ne respectent pas strictement la charia. Et parfois c'est violent. Pourtant, on m'avait bien dit que l'islam, tel qu'il était pratiqué en Somalie, était généralement plutôt modéré, non ? C'était en effet la tradition soufie qui dominait chez les Somalis. Mais certains tribunaux islamiques sont tombés sous le contrôle de chefs religieux plus intolérants, des salafistes. Ouais, c'est-à-dire des fondamentalistes. Et un homme en particulier va incarner cette tendance qui prendra de plus en plus d'importance, un colonel, le cheikh Dahir Hassan Haweh, qui se hisse même à la présidence de l'Union des tribunaux islamiques. Mais on reparlera de ce Dahir Hassan qui est aussi le chef du parti Hizbul Islam. Ouais. Mais au fond, on en parle, d'accord. Mais au fond, est-ce que c'est ces tribunaux islamiques là, qui ont voulu s'opposer à l'arbitraire des clans et aux injustices qu'ils perpétraient ne sont pas eux-mêmes devenus un clan ? Eh bien, des clans. Ouais, on peut en effet se poser sérieusement la question, car on n'efface pas comme ça une tradition millénaire. Et la tentation a sans doute été grande de retomber dans les travers claniques. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Un des grands spécialistes de la région, l'africaniste Roland Marshall, a publié en juin 2007 un document sur la Somalie. À propos des tribunaux islamiques, voici ce qu'il écrit. Les tribunaux islamiques sont initialement des réponses locales à l'insécurité. Leur création suit plus ou moins le même processus. Dans un milieu urbain reconfigurés par la guerre, certaines zones se trouvent sous la domination numérique d'un clan. À la suite de troubles occasionnés par de véritables gangs, les anciens de ce clan décident la constitution d'un tribunal islamique. Au moment de la sélection de ses membres, ils prennent garde de nommer des juges qui reflètent les diverses tendances de l'islam somalien. Les miliciens n'ont pas de formation religieuse particulière. Bien sûr, les mouvements islamiques et islamistes sont présents dans ces institutions car leurs chefs ont un prestige et souvent une capacité organisationnelle qui fait ordinairement défaut. Les tribunaux, dont le nombre reste inférieur à 10 avant 2006, vont engager une lutte acharnée contre le banditisme. L'amélioration de la situation n'est ainsi pas le fait du retour des chefs de faction, mais de l'action de ces nouvelles institutions. Ce texte de Marshall a été publié par le Centre d'études et de recherches internationales de Sciences Po. Nouveau clan ou pas, l'Union des tribunaux islamiques, malgré les contraintes imposées à la population somalienne à cause de l'application de la charia, a réussi à garantir une sorte de paix. Mais une paix toujours très fragile. On a même vu des seigneurs de la guerre leur acheter des armes. Il existait donc des accords entre les tribunaux islamiques et ces chefs de clan. Des accords, ça je ne sais pas, mais de part et d'autre, on avait de bonnes raisons de pactiser et d'assurer ensemble un minimum de cohésion sociale. Car aussi étonnant que cela paraisse, malgré ce chaos généralisé qui régnait depuis 1991, le pays continuait à vivre, en dépit des vols, du racket, de la violence. On a même observé que la monnaie somalienne, le shilling, était resté relativement stable alors qu'il n'y avait plus de banque centrale. Supprimons les banques centrales. Et puis, enfin, pour les hommes d'affaires et les entrepreneurs, cette absence de gouvernement central signifiait aussi qu'il n'y avait plus de prélèvement fiscal. Ah, autre avantage apporté par les islamistes qui faisaient peu ou prou la loi. Un pays sans impôts, ça fait toujours rêver, même si le rêve ne dure jamais très longtemps en Somalie. En 2002, Mogadiscio connaît un nouvel accès de fièvre. Des bandes de délinquants font régner la terreur. Kidnappings, assassinats, viols, on ne compte plus leurs méfaits. Et pour en venir à bout, les tribunaux islamiques, les chefs de clans et des milices privées créées par les hommes d'affaires doivent se coaliser. Mais on ne voit toujours pas poindre de solution politique. Non, même si les voisins de la Somalie essaient de s'entremettre et veulent contribuer à restaurer un État somalien, avec des objectifs pas toujours désintéressé, d'ailleurs. Ses voisins, là Il y a d'abord Djibouti, où vivent, je vous le rappelle, une majorité de Somalis. En 2000, les autorités de ce pays, en accord avec la plupart des pays arabes, s'opposent en médiateur et organisent une conférence de réconciliation somalienne, à l'issue de laquelle on annonce la formation d'un gouvernement national transitoire, le GNT. Ouais. C'est sérieux, ça? En tout cas, ce GNT a le mérite d'exister, même s'il ne dispose d'aucun pouvoir, et n'est pas reconnu par des seigneurs de la guerre qui n'ont pas été consultés au moment de sa formation. Et les arrière-pensées, alors? Il est clair que Djibouti et les pays arabes qui soutiennent son initiative veulent d'abord embarrasser l'Éthiopie voisine et chrétienne, qui ne cesse de lorgner vers la Somalie et ses accès à la mer. Une Éthiopie trop puissante, qui se verrait bien, elle aussi, imposer son ordre en Somalie. Ce qui finira par arriver. En outre, il y a l'Ogaden éthiopien, là où vivent de nombreux Somalis. Une perpétuelle source d'instabilité pour l'Éthiopie. Mais en attendant, à la fin des années 90 et au début du troisième millénaire, Addis Abeba a déjà fort à faire avec la guerre qui l'oppose à l'Érythrée. Un conflit qui n'est pas sans rapport avec la question somalienne. L'Érythrée, donnant généreusement asile aux Somalis de l'Ogaden qui se trouve en délicatesse avec le régime d'Addis Abeba. Ça ne simplifie pas la situation dans la région. En tout cas, dès que l'Éthiopie en a provisoirement fini avec son ancienne province d'Érythrée, elle essaie à nouveau de s'immiscer dans les affaires somaliennes. Addis Abeba a aussi un plan pour ramener la paix en Somalie. Oui, l'instauration d'un État confédéral qui consacrerait de facto l'autonomie du Somaliland et du Puntland. En fait, Addis Abeba, on raisonne comme Mauriac qui affirmait à peu près « J'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il n'y en ait deux ». Oui, la RFA et la RDA d'avant la chute du mur. Ouais. Donc les Éthiopiens, eux, voudraient qu'il existe trois Somalies. L'objectif étant d'affaiblir le pays en lui accordant un statut confédéral. Bien entendu. Ce n'est pas innocent. Mais ce plan est inacceptable. Et d'abord parce qu'il a été conçu par l'Éthiopie chrétienne. Ah oui, qui ne devrait donc pas se mêler des affaires d'un pays musulman. C'est à peu près ça, oui. Mais la question se complique encore un peu plus quand on sait que derrière l'Éthiopie se dissimulent les États-Unis. Et pourquoi alors? À cause du 11 septembre. Il faut m'expliquer. Les attentats du 11 septembre ont légitimement traumatisé les Américains. Et l'administration Bush est obnubilée par la montée de l'islamisme. Les Éthiopiens, habilement, n'ont pas manqué de faire savoir à Washington que leur voisin somalien devenait un sanctuaire pour les terroristes musulmans et même une base avancée d'Al-Qaïda. Oui, alors sous couvert des tribunaux islamiques. N'en fallait pas plus pour que les États-Unis accordent sans réserve leur soutien à l'Éthiopie. J'ajoute que la Maison-Blanche a été d'autant plus facilement convaincue que les conseillers néo-conservateurs de Bush considéraient que toute zone ingouvernable dans le monde avait pour vocation de se transformer inévitablement en vivier de terroristes. Ouais, curieuse théorie, mais enfin pourquoi pas. Les Américains vont donc à nouveau jouer un rôle dans la Corne de l'Afrique. Oui, mais échaudés par le fiasco de l'opération Restore Hope, ils vont se garder d'y intervenir directement. Cependant, c'est vrai, ils vont multiplier les initiatives pour combattre à leur façon l'islamisme. Par exemple ? Ça commence lors de la tenue en 2002-2004 d'une deuxième conférence nationale de réconciliation pour la Somalie sous l'égide des États de la région. C'est l'Union européenne qui finance. Ah bon ? Mais ce sont les États-Unis qui sont à la manœuvre derrière leurs alliés éthiopiens. Et après deux années de tractations délicates, ils obtiennent satisfaction. Un nouveau gouvernement fédéral provisoire est constitué. Et c'est un homme des Éthiopiens qui est porté à sa tête, Abdullah Youssouf. Et comment pouvez-vous en être certain, là ? Ce président, qui s'installera à Baïdoa en 2006, c'est-à-dire à mi-chemin entre Mogadiscio et la frontière éthiopienne, demande presque immédiatement l'intervention de l'armée d'Addis Abeba dans son pays. Oui. Ce qui ne se réalisera pas avant la fin 2006, quand même. Oui. Hein. Mais en attendant, est-ce que ce gouvernement-là dispose d'une quelconque autorité ? En tout cas, il a été reconnu par l'ONU. Et quelques chefs de clan lui ont apporté leur soutien. Mais les islamistes, à commencer par les tribunaux islamiques, ne veulent pas en entendre parler. C'est donc un gouvernement quasiment virtuel. Par conséquent, Washington va prendre d'autres initiatives. Et d'abord celle-ci, qui est particulièrement hasardeuse et même dangereuse. Les services secrets états-uniens, via leurs homologues éthiopiens, ont entrepris de financer les seigneurs de la guerre et donc de les inciter à acheter des armes. Quoi, pour lutter contre les islamistes ? Évidemment. Mais à Mogadiscio, le secret a été très vite éventé. Résultat, c'est l'objectif inverse qui a été atteint. La population, déjà peu favorable à ces seigneurs de la guerre qui les exploitaient depuis si longtemps, s'est rapprochée de nouveau des tribunaux islamiques. C'est vraiment l'histoire de l'arroseur arrosé. À peu près. Donc l'affaire a fait long feu. Mais les tribunaux islamiques, aiguillonnés par l'initiative états-unienne, sont passés à l'offensive. Et en juin 2006, à Mogadiscio, leurs milices ont écrasé les forces des seigneurs de la guerre et les ont chassés de la ville. En même temps, ce dirigeant islamiste qui a pris la tête des tribunaux islamiques, Dahir Assamaoué, appelle à la guerre sainte contre l'Éthiopie et réclame le rattachement de l'Ogaden à la Somalie. Mais cela, c'est sans doute une erreur. Pourquoi ? C'est donner un prétexte à l'Éthiopie pour intervenir. Et cela ne tardera pas, quoi qu'il en soit. Pendant 6 mois, Mogadiscio va vivre une période de paix inespéré. Oui, mais quand même sous la férule des tribunaux islamiques. Hein. Certes, mais c'est quand même la première fois depuis 1991 que la capitale somalienne est en paix. On voit même renaître l'activité sur le port. Mais comme d'habitude, les ferments de division commencent à apparaître. Et au sein même du mouvement islamiste, où l'on voit grandir la fracture entre les modérés et les radicaux. Et alors, et ce, Dahir Hassan, là, où se situe-t-il ? Ça vous étonnera peut-être, mais il se range plutôt du côté des modérés, ou plutôt des moins extrémistes. Mais tout est relatif. Ah, oui. Tandis que les plus jeunes créent leur propre milice, les Shabab. Ouais. Shabab voulant dire tout simplement, d'après ce que j'ai lu, jeune en arabe ? C'est exact. Ouais. Mais le vrai danger va venir de l'étranger. Alors, l'Éthiopie ? Forcément. L'Éthiopie encouragée par l'allié de Washington. Rendez-vous avec X. Dans un excellent papier, le journaliste américain du Foreign Policy, Jeffrey Kettleman, a analysé la situation de la Somalie en avril 2009. Dans cet extrait, il revient sur le soutien de son pays aux seigneurs de la guerre. En 2005, la CIA a jeté un œil sur ce qui se passait en Somalie et a encore une fois mal interprété les choses. Dans le monde de l'après 11 septembre, la Somalie était devenue une grande source d'inquiétude. On craignait que le pays ne devienne une usine à djihad à la façon de l'Afghanistan, où Al-Qaïda avait préparé sa guerre mondiale contre l'Occident pendant les années 1990. À ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose pour justifier de telles craintes, mais cela n'avait manifestement aucune importance. Quelques analystes militaires occidentaux ont dit aux responsables politiques que le chaos qui régnait en Somalie était insupportable. Le gouvernement de Bush a alors décidé d'éradiquer les islamistes sans envoyer de troupes. La CIA a chargé les chefs de guerre, ces mêmes bandits qui s'en prenaient à la population depuis des lustres, de combattre les islamistes. Un seigneur de la guerre m'a raconté, en mars 2008, que deux agents américains répondant au nom de James et David avaient débarqué à Mogadiscio avec des valises bourrées de billets de banque. « Servez-vous de ça pour acheter des armes », avait-il dit. « Et si vous avez des questions, envoyez-nous un email. » Avant de poursuivre le récit chronologique des derniers événements de Somalie, je voudrais vous parler du piratage maritime qui inquiète si fort les armateurs du monde entier. Et on ne compte plus les bâtiments et les équipages pris en otage. Hein. C'est en effet devenu une industrie très prospère qui fait vivre beaucoup de monde au Puntland, cette province sécessionniste du nord-est de la Somalie. Alors ici, il n'est pas question de justifier en quoi que ce soit ces pratiques criminelles, mais de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et pourquoi de simples et honnêtes pêcheurs sont devenus de redoutables pirates. Ah, je vous écoute alors. À l'origine, il y a d'abord le fait que la mer Rouge, très poissonneuse, a été de plus en plus visitée, donc exploitée par des bateaux de pêche modernes et étrangers, souvent européens. Des équipages qui n'hésitaient pas à entrer de façon illégale dans les eaux somaliennes. Ah oui, alors la ressource s'est tarie. Mais il y a plus grave. Et au moins à l'ouest, on n'en a guère parlé. Des sociétés de récupération européennes, encore une fois, ont commencé à déverser des quantités insensées de barils de déchets dans les eaux de la mer Rouge. Illégalement, bien sûr. Bah, cela va sans dire. Et dans ces barils, il y avait de terribles poisons, des métaux lourds et même des matières radioactives. On en a eu la preuve lorsque le tsunami de 2005 a rejeté à la côte des centaines de ces fusées ventrées. Et on a mieux compris pourquoi les populations locales souffraient de multiples maux. Et à votre avis, alors, l'origine de la piraterie se trouve là? Oui, enfin, c'est en partie une réaction contre les pilleurs et les pollueurs. Mais seulement au début, parce que maintenant, c'est l'argent qui motive les pirates. Naturellement. Et le pactole des rançons est même devenu un élément important de l'économie du Puntland. De l'argent qui sert peut-être aussi à financer des mouvements radicaux, comme ces Shabab dont je vous ai parlé. Les jeunes islamistes, là. Et paradoxalement, la piraterie permet aussi à certaines entreprises occidentales de faire leur chou gras. Vous pensez à qui, là? Bah, aux armées privées, c'est-à-dire les sociétés de sécurité, comme l'américaine Blackwater, qui proposent leurs services aux compagnies maritimes. Ouais, qui sont grassement rétribuées. Forcément. Hein. Alors, bon, refermons cette parenthèse et revenons à l'évolution de la situation en Somalie. À Washington, les stratèges de la lutte antiterroriste n'ont pas renoncé. Au début du mois de décembre 2006, les Américains obtiennent que l'ONU vote une résolution qui autorise une force africaine à intervenir en Somalie. Pour rétablir l'ordre. Et conforter le gouvernement provisoire, oui. Doivent participer des bataillons de l'Ouganda, du Burundi et bien entendu de l'Éthiopie. Mais comme par hasard, les troupes ougandaises et burundaises ne sont pas prêtes. Et seuls les Éthiopiens vont intervenir. Et de façon massive. Ouais. Fin décembre, 30 000 soldats éthiopiens pénètrent en Somalie. Et le bombardement de Mogadiscio commence presque aussitôt. Et en face, alors comment réagissent les milices des tribunaux islamiques? Eh bien d'une façon assez étonnante. Les islamistes abandonnent très vite le terrain, pratiquement sans combattre. Mais avant de déguerpir, ils préviennent, on reviendra. Ouais. Mais comment expliquez-vous cette fuite? Les dirigeants des tribunaux islamiques ont dû estimer que face à une armée très bien équipée et dotée d'artillerie et de blindés, leurs forces ne faisaient pas le poids. Et plutôt que de sacrifier inutilement des combattants, ils ont choisi la retraite. Mais ils n'ont pas été réellement vaincus. Hein. Donc il fallait prendre au sérieux leur menace de retour. Ouais. Les troupes éthiopiennes entrent donc dans Mogadiscio. Avec dans leur fourgon les membres du gouvernement provisoire. Et comment les Éthiopiens sont-ils accueillis? Dans un premier temps, c'est la liesse. Et ça s'explique très bien, la population aspire à la paix. Mais oui, une paix imposée d'étrangers quand même. Ça, c'est un autre problème. Et les Somaliens ne vont pas tarder à trouver que la présence éthiopienne est beaucoup trop pesante. Alors, maintenant, je reviens à la stratégie des États-Unis. Pour vous, si j'ai bien compris, c'est Washington qui se trouve derrière l'intervention éthiopienne. Ben ça me paraît évident. Et ce sont les Américains qui ont richement doté en matériel les troupes d'Addis Abeba. Mais Bush ne se contente pas d'agir par procuration. Il entend aussi intervenir directement quand il le faut. C'est ainsi que l'US Air Force bombarde des villages du Sud où se sont réfugiés des membres des tribunaux islamiques. Et ce n'est pas très étonnant. À Washington, on est persuadé que ces islamistes sont de mèche avec Al-Qaïda. Et qu'en est-il en réalité Il est certain que des combattants affiliés à Al-Qaïda se trouvent en Somalie. On y verra même arriver des individus qui ont combattu en Afghanistan. Et surtout, les Américains sont sûrs que les cerveaux des attentats de 1998 contre les ambassades états-uniennes au Kenya se trouvent en Somalie. Les mêmes, sans doute, qui ont perpétré les attentats kamikazes de 2002 contre des touristes israéliens, toujours au Kenya. La CIA a en particulier ciblé un Comorien pour la capture duquel elle propose une récompense de 25 millions de dollars. Ouais. De là à penser que tous les islamistes somaliens sont dans la main de Ben Laden, non, c'est exagéré. Oui, mais l'administration de George W. Bush ne nous a pas habitués à opérer dans la nuance. Et remarquez bien que les Américains, malgré le changement à la tête de la Maison-Blanche, n'ont pas renoncé à ce genre d'opération en Somalie. Encore très récemment, Washington a conduit une opération héliportée clandestine au cours de laquelle deux hommes accusés d'appartenir à Al-Qaïda ont été tués. Et d'où venaient ces hélicoptères alors ? Ils ont décollé d'un bâtiment états-unien croisant au large des côtes somaliennes. Cela signifie que les services secrets là étaient parfaitement informés. Sans doute grâce à des écoutes téléphoniques opérées par la NSA. Mais il y a un an et demi, une action semblable avait été engagée. Des missiles tirés depuis un sous-marin. Mais les engins avaient raté leur cible, non sans avoir tué au passage quelques villageois innocents. La paix éthiopienne, si on peut l'appeler comme ça, dure combien de temps ? À peine quelques semaines. Dès le mois d'avril 2007, la violence reprend ses droits à Mogadiscio et l'on s'aperçoit que les islamistes sont toujours bien présents. Alors, ils ont donc fui très provisoirement, comme ils l'avaient promis. Oui, certains d'entre eux se sont simplement fondus dans la population. En même temps, et dans la plus grande discrétion, une vraie guerre ravage l'Ogaden, cette enclave Somalie en territoire éthiopien. Il faut en effet savoir que de nombreux membres des tribunaux islamiques y ont trouvé refuge. C'est en particulier le cas de leur chef, Dahir Hassam Awe. Et ça, c'est une menace, une vraie menace pour Addis Abeba. D'autant que l'intervention éthiopienne en Somalie a réveillé les sentiments nationalistes et indépendantistes de la population de l'Ogaden. Et un Front national de libération a même été réactivé. En tout cas, le gouvernement d'Addis Abeba réagit avec une extrême brutalité. Ce sont des villages entiers qui sont rasés. On en parle à peine dans la presse internationale. C'est malheureusement vrai. Mais qui s'intéresse réellement à l'Ogaden ? Et qui connaît cette région ? Vous avez raison. L'armée éthiopienne va faire preuve de la même violence en 2008 lorsqu'une insurrection islamiste éclate à Mogadiscio. Et alors, qui se trouve là derrière cette insurrection ? Les Shabab. Un mouvement qui ne cesse de monter en puissance et qui bientôt concurrencera sérieusement le clan de Dahir Hassan, issu des tribunaux islamiques. Quoi qu'il en soit, les Éthiopiens écrasent cette révolte dans le sang. Alors, désormais, il existe une scission là, chez les islamistes. Ben, je vous l'ai dit, elle était en germe depuis longtemps. Ça n'empêche pourtant pas ces mêmes islamistes de reprendre l'avantage dans plusieurs régions de la Somalie. Au fond, ça ressemble un peu à ce qui se passe en Afghanistan avec les talibans. Chassés du pouvoir par la coalition, ils reprennent peu à peu du poil de la bête jusqu'à contrôler des régions entières. La comparaison est effectivement pertinente. D'ailleurs, je crois vous l'avoir dit au début de cet entretien. La grande crainte des États-Unis et des puissances occidentales, c'est que la Somalie devienne un nouvel Afghanistan. En tout cas, nouvelle preuve de la discorde qui règne malgré tout dans le camp islamiste, un ancien dirigeant des tribunaux islamiques accepte la présidence du gouvernement provisoire lorsque Abdullah Youssouf démissionne. Alors, cet ancien dirigeant-là retourne sa veste ? Et pourtant, Cheikh Sharif est un ancien compagnon de combat de Dahir Hassam Awe. Ouais, mais d'accord, il est président, mais c'est un président sans pouvoir. C'est vrai, surtout à partir du moment où l'Éthiopie met les pouces et reflux de Somalie. Cheikh Sharif vit dans un palais assiégé sous la protection de quelques casques bleus africains envoyés par l'Ouganda et le Burundi. des casques bleus qui deviennent des cibles pour les islamistes radicaux. 11 d'entre eux sont tués en février 2009 dans un attentat kamikaze téléguidé par les Chababs. Alors, où en est-on aujourd'hui? C'est à nouveau le chaos et l'horreur. On voit se dessiner en Somalie, en plus de la guerre de clans traditionnels, les contours d'une guerre idéologique et religieuse inquiétante. Et Mogadiscio est désormais le champ clos de la bataille permanente qui oppose la milice de Dahir Hassanawi aux combattants Chabab. Donc pour simplifier, les tribunaux islamiques contre les jeunes islamistes radicaux. À une rivalité féroce, même s'il y a des ponts entre les deux mouvements armés. On l'a vu à l'occasion du récent enlèvement de nos deux agents secrets à Mogadiscio, qui, rappelons-le, coopéraient initialement à la formation à Djibouti par l'armée française d'un premier bataillon de 150 soldats somaliens. L'un a été pris en otage par l'organisation de Dahir Hassanawi et l'autre a été remis au Chabab. Ah, partage équitable. Oui, si on veut. Et celui qui a réussi à s'évader était détenu par qui? Par les tribunaux islamiques de Dahir Hassan. Mais si vous voulez mon avis, cette évasion cache la remise d'une rançon. Payée par la France? Non. Il se dit que c'est le gouvernement provisoire qui a mis la main en porte-monnaie, mais ça me paraît cousu de fil blanc, étant donné l'impuissance et le manque de moyens de ce pouvoir fantoche. Alors la conclusion? Eh bien, je pense que vous aurez compris que l'Occident aura tout fait pour envenimer une situation déjà très périlleuse. Et si Al-Qaïda inspire véritablement les Chababs ou d'autres islamistes radicaux, c'est que les puissances occidentales, à commencer par les États-Unis, les auront littéralement jetés dans les bras de Ben Laden et de ses séides en multipliant les erreurs de jugement. Ouais. Donc si, comme je viens de l'apprendre récemment, les Chababs ont fait allégeance à Al-Qaïda, c'est à cause de cette politique erronée. La preuve est faite. Un livre sur le sujet pour terminer, un roman d'un intellectuel de Djibouti, Abdourahman Waberi, Passage des larmes où l'histoire de la Corne de l'Afrique transparaît en filigrane, un ouvrage publié par Lattès. Un autre ouvrage aussi très différent, mais comme je me sers souvent de cette collection, il est signé Laurent Gaillère, ça s'appelle Monde rebelle, Asie du Sud, et c'est dans la fameuse collection dirigée par Jean-Marc Balanci et Arnaud Delagrange. Et puis, comme avec Monsieur X, nous avons évoqué le trafic maritime en mer Rouge, je vous signale la parution aux éditions Marine d'un très beau livre illustré d'aquarelles sur les ports du monde entier, un ouvrage qui incite au départ et fait rêver. À samedi prochain, je remercie Valérie Ayestaraï, Michel Billou, Rebecca de Nantes, Monsieur Djoub. Je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission ou communiquer avec nous. Et tout de suite, après le flash, on s'éclate dans le verre. CO2, mon amour, de Denis Chessou.